Ça c'est parole céleste. Bon Dieu pas jamais la gué peuple. C'est même Jean. Il pas jamais ka la gué peuple ici. Fais confiance et n'a besoin de délivrance pas nous. Bon Dieu peuple Israël là. C'est même bon Dieu peuple haïtien qui pral vin délivrer nous. Bat toute l'autre nation capézé nous l'a choisi parmi nous yon Moïse yon l'autre Pharaon même Jean te voyé libéré peuple Israël là en bas Pharaon compte ça li pour le faire Haïti tourner même Jean des Antilles. Nous pas connaît qui joue qui l'est, mais joue ça pas trop loin pour venir. Réveillé fort, non qui est bon Dieu, parce qu'elle ne sentit pas capable encore. Chaipote, comme si nous c'est petit misangado. Côté n'passé yo méprisé. Saint-Domingue y a braché nous ak manche. Tremblement de terre, inondation. Cyclone, choléra, kap fin touye nous. Si c'est péché ancêtre. Nous yo génération ça nous même a payé. Bon Dieu Abraham nan, bon Dieu Isaac la gen pitié pour nous. T'en prie bon Dieu, pas béni nous. Pour péchés ancêtres nous yo encore. Pour ces bon Dieu, peuple haïtien. Bon Dieu a compassion pour toute petite ligne. Alors nous-mêmes, papa ici, c'est petite ligne nous y est. Devant mon Dieu, pas gagné ni tination, ni couronation. Alors, délivre-se par nous. Vous-même, président d'Haïti, cap gouverne sans l'esprit, bon Dieu. Si vous pas suivre l'autre Seigneur, ou apprend force cette tribulation, peuple ça. L'aine songe à Salomon, qui tape la prière, demande bon Dieu. Pour te bailler bon l'esprit, bon comprendre pour le capable diriger peuple, ya. Bon Dieu te répond, lui. Elite bal plus que ça le demande. Bon Dieu pas Jean, la guerre peuple. Faire confiance pour délivrer Haïti. Nous sommes nation, pour toute nation. La fin tourne campé sous des pieds nous. Bon Dieu en cette nuit. Bon Dieu Abraham non? Bon Dieu Isaac là, bon Dieu Jacob là, gain pitié pour peuple ici. Nous gain longtemps n'a souffri. Mais qu'on y a n'a souffri en bas des comptes. N'a mouri à choléra. Nous n'a grand goût. Nous n'a misère. Merci pour délivrer ça déjà pour tes bonnes.